Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, la brèche. Oui, la plus grande brèche dans le glacis de l'Europe communiste. Celle qui a probablement marqué le début du processus qui a mené à la chute du mur de Berlin. Cette histoire, c'est celle des Polonais à l'aube des années 80. Pour la première fois dans un état satellite de l'Union soviétique, un gouvernement à la solde de Moscou a plié face à un mouvement de contestation populaire. Un mouvement de la solidarité, d'où son nom polonais Solidarność, qui rassemblera près de 10 millions de personnes, soit un tiers de la population du pays. Parmi elles, des ouvriers, bien sûr, ceux des chantiers navals de Gdansk, épicentre du soulèvement, mais aussi des travailleurs venus de toutes les usines du pays, des fonctionnaires, des chemins de fer, des étudiants, des intellectuels, tous ensemble, réunis sous le même drapeau. Pas forcément pour faire tomber le régime, mais pour réclamer plus de droits, plus de liberté, et qui sait, plus tard, faire entrer la Pologne dans la démocratie avec la bénédiction et l'action directe, politique et, dit-on, financière de Jean-Paul II, le pape polonais. Tel est le fonctionnement de ce qu'on appelle une brèche, précisément. Telle est aussi l'histoire, captivante, par sa capacité à nous montrer comment des événements importants ne tombent pas du ciel, mais sont si subtilement reliés. De ce point de vue, l'histoire de Solidarność est un morceau de choix. Phénomène aujourd'hui encore tout à fait fascinant, le gouvernement communiste va pendant un an accepter la création de syndicats libres, de droits de grève, des hausses de salaire et plus de liberté pour l'Église, jusqu'à ce qu'un général aux lunettes noires ne fasse tomber la nuit sur l'espoir en décrétant l'état de siège, la loi martiale, le 13 décembre 1981. Et pourtant, c'est bien dans ce pays-là, la Pologne, que dès le début de l'année 89, le gouvernement communiste mettra en place l'impensable. Du 6 février au 4 avril, il mène avec l'opposition les pourparlers dits de la table ronde qui déboucheront sur l'organisation d'élections libres avec des partis politiques libres. Une variante spectaculaire de la glasnost de Mikhail Gorbatchev, un point de non-retour qui préfigure la chute des régimes communistes à partir du 9 novembre de la même année. Témoin privilégié de ce soulèvement populaire polonais qu'il a couvert comme correspondant pour le quotidien Le Monde, le journaliste Bernard Guetta, dont vous connaissez tous la voix et les analyses, puisque vous l'entendez tous les matins sur France Inter pour sa chronique géopolitique. Il est notre invité et il me précise qu'on doit dire Solidarność et non pas Solidarnosc, qui n'existe pas. Alors va pour Solidarność. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo auprès d'un Polonais ancien responsable de Solidarność à Varsovie. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production, Léa Dupuy-Henquin, coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Thierry Dupin. Réalisation, Coyen Guyenne et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Fabrice Desmaz, Charles Danet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, déjà les Polonais se réveillent avec un goût amer. Leur territoire, maintes fois dépecé, se retrouve une fois de plus ballotté par l'histoire, et cette fois dans le giron de l'Union soviétique. On ne parle plus alors de Pologne, mais de République populaire de Pologne, donc soumise à un régime liberticide contre lequel les Polonais se cabreront plus d'une fois, jusqu'à la bonne. C'est en 1948 que le pays tombe dans le camp de Moscou, et très vite il devient l'élève turbulent du pacte. Son histoire, ses traditions culturelles, sociales et surtout religieuses se heurtent à la philosophie politique des communistes. Là est né dès le début un malaise entre la population et sa classe dirigeante, tendance qui ne cessera de s'accentuer jusqu'au dénouement de 1989, sous le regard un peu cynique de l'histoire qui donne au Bloc de l'Est le nom de Pacte de Varsovie. Tout commence vraiment en 1956 avec le soulèvement de Poznan, révolte d'un peuple par la grève, déjà une grève matée dans le sang par l'armée polonaise, mais qui obligera Moscou à faire quelques concessions. Il y a des défaites prometteuses, comme l'analyse à l'époque celui qui deviendra l'un des conseillers de Solidarność, Adam Michnik. Poznan marque sans nul doute une césure dans l'histoire de l'opposition polonaise au régime communiste. Elle fut un apprentissage douloureux mais nécessaire. Une prise de conscience pour le peuple polonais qui comprend désormais que par la lutte, l'État, malgré sa brutalité, octroiera toujours des concessions. Les enfants de Poznan seront les adultes de Gdansk en 1980. Puis en décembre 1970, c'est l'épisode des émeutes de la Baltique, un prélude aux grèves de l'été 80 et du mouvement Solidarność. Elle commence d'ailleurs de la même manière. Le gouvernement augmente brutalement les prix des produits de première nécessité. Les ouvriers polonais résistent, l'armée populaire et la milice répriment dans le sang. au moins 40 morts et des milliers de blessés. Et déjà, dans les rangs des opposants, on retrouve un certain Lech Walesa, inconnu à l'époque. Signe de la Providence ou d'un destin qui ne dit pas son nom, après des années de lutte pour plus de liberté et contre l'oppression des grands frères communistes, deux événements vont offrir un contexte propice aux Polonais rebelles. Le premier a lieu à Rome le 16 octobre 1978. Des cardinaux réunis en conclave après la mort du pape météorite Jean-Paul Ier élisent le cardinal de Cracovie, Karol Wojtyla, qui devient Jean-Paul II. Ce pape est polonais. Dans un pays où la population est croyante, dans des proportions dignes d'une élection des grandes heures staliniennes, c'est-à-dire à 90%, la première visite du nouveau souverain pontife dans son pays natal en juin 79 provoque un raz-de-marée populaire. Et ce voyage va permettre au pape, aussi médiatique que conservateur, de s'offrir une tribune de choix pour un discours apparemment religieux mais totalement politique, ce qui sera d'ailleurs la marque de son interminable pontificat. Je ne parlerai pas maintenant en détail de tout ce qui, dans la manière de vivre des Polonais, est contraire à la dignité de l'image de Dieu et de la ressemblance de l'homme avec Dieu, à la dignité confirmée de manière nouvelle par le mystère de l'incarnation. Nous connaissons parfaitement les vices qui parfois se transforment en véritables plaies, menaçant la vie spirituelle et biologique de la nation. Pensez-y bien, chers frères et sœurs, je vous en prie vivement. La dignité dont parle Jean-Paul II est celle des Polonais pour leur liberté, aussi contre le communisme, grand ennemi de l'Église. Lors d'une messe en plein air à Varsovie, le pape prononce des paroles qui feront date. Il ne peut y avoir d'Europe juste sans l'indépendance de la Pologne, dit-il, et surtout cette phrase, n'ayez pas peur. Voilà pour le message. Aux Polonais d'agir, formidable viatique pour le soulèvement. Dans le même temps, cette fin d'année 79, à Moscou, Léonid Brechnev et son gouvernement de caciques prennent une décision funeste pour leurs futures victimes d'abord, mais aussi pour eux et pour l'Union soviétique en général. C'est l'invasion de l'Afghanistan. Une opération militaire d'une envergure colossale, même pour l'armée rouge, si puissante en hommes et en matériel. Décidée à la hâte, logistiquement et militairement mal préparée, contrée par le soutien en sous-main des Américains aux Moudjahidines qui nourrissent les desseins de Ben Laden sans le savoir, la campagne afghane va très vite devenir un bourbier pour l'Union soviétique. Lorsqu'on avait demandé au leader nord-vietnamien Ho Chi Minh comment il s'y était pris pour tenir tête aux Américains, il avait employé la métaphore de la fourmi qui monte dans la trompe de l'éléphant jusqu'à lui manger le cerveau. Un résumé de la guerre du Vietnam que la gérontologie à Moscou aurait dû méditer. Ajoutons à cela le modèle économique de l'Union soviétique qui portait structurellement tous les ingrédients de l'échec et qui a gangréné l'ensemble du bloc communiste. Disons que les temps étaient difficiles pour Moscou et que les Polonais et le pape se sont engouffrés dans cette brèche. Oui, la brèche, toujours. Six mois plus tard, le 1er juillet 1980, c'est le gouvernement polonais qui allume la mèche. Comme une histoire qui se répète, 10 ans seulement après les émeutes de la Baltique, le Premier ministre décrète dans l'urgence une hausse générale des prix pour éviter la banqueroute. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le pays connaît quelques troubles, mais le pouvoir communiste est encore bien loin d'imaginer la tournure que vont prendre les événements. Le 14 août, après le licenciement politique d'une ouvrière du chantier Lénine, Anna Valentinovitch, les ouvriers des chantiers de Gdansk et de Gdynia se mettent en grève. Gdansk, un symbole. C'est la plus importante cité portuaire au nord du pays avec ses chantiers navals de la Baltique. Elle devient l'épicentre de toutes les contestations sociales du pays. Dans les heures qui suivent, 13 000 travailleurs vont substituer au drapeau rouge les bannières jaunes et blanches du Vatican. Débraillant comme un seul homme, les ouvriers crient non au pouvoir, non à leurs conditions de vie, oui à plus de droits. Comme chef de cette coalition extraordinaire, ils choisissent un électromécanicien de 37 ans, père de 6 enfants, lui-même licencié en 1978 pour syndicalisme illégal, Lech Walesa. En l'espace de 3 jours seulement, face à leur mobilisation, leur calme et leur détermination, la direction des chantiers finit par céder. Pourtant, la grève, elle, ne cesse pas. Elle se poursuit en solidarité avec les autres usines. Un mouvement est né. L'été est chaud et les cœurs semblent remplis des espoirs les plus fous. Dans les rues, à l'extérieur des usines, le ton monte et beaucoup de gens n'ont plus peur d'afficher leur mécontentement et leurs revendications. Je suis polonais, dit-il. Je soutiens les ouvriers du chantier. Mais comprenez-moi, j'habite un F4 et on y vit à 3 familles. C'est insupportable. Je ne gagne que de la petite monnaie. Et puis, on extrait 200 millions de tonnes de charbon par an. En 70, on en extrayait 70 millions. Et tout le monde en avait. Alors pourquoi ma femme doit-elle faire la queue aujourd'hui? Je soutiens le gouvernement socialiste, mais on devrait avoir la liberté de parole et de religion. Vous savez, tout cela nous rend terriblement nerveux. On n'en peut plus. Nous nous battons pour l'augmentation des salaires, pour les retraites, pour la justice, pour les syndicats libres. Dans la nuit du 16 au 17 août, près d'une centaine de délégués de différentes entreprises se réunissent pour constituer un comité inter-entreprise de grève, le MKS. Ils adoptent une série de 21 revendications que Lech Walesa présente en redoutable négociateur qu'il est, de la plus difficile à la plus simple. Pour l'aider, de nombreux intellectuels ont rejoint le mouvement, parmi eux des figures comme Tadeusz Mazowiecki et Bronisław Geremek. Pendant qu'à Varsovie, Jacek Kuron et Adam Michnik, qui rejoindront par la suite le mouvement, sont arrêtés. Parmi les revendications du comité inter-entreprise de grève, on recense le droit de fonder un syndicat indépendant du parti et de l'État, puis le droit de grève, et enfin la libération des prisonniers politiques. Viennent ensuite les revendications plus pragmatiques face aux problèmes rencontrés par les ouvriers polonais dans leur quotidien. Augmentation de salaire, avantages sociaux plus consistants. Mais au-delà de ces revendications syndicales se cache la mise en cause du régime. En effet, les grévistes protestent aussi contre la bureaucratie paralysante, la corruption, la toute-puissance de la direction des établissements d'État et bien sûr la censure de la presse. De syndical, le mouvement devient politique. Dans les jours qui suivent, il reçoit des soutiens de tout le pays. On envoie aux grévistes de la nourriture, des couvertures, encore des bouteilles de gaz. L'ordre règne toujours à Varsovie et dans les grandes villes, mais cet ordre n'est plus l'ordre communiste tel que le connaissent les pays de l'Est. Là-bas, en Pologne, se dit-on, ailleurs, on crée des syndicats, on proteste, on revendique. Chantiers navals, usines, chemins de fer et services municipaux, tous les secteurs d'activité sont touchés. Le correspondant de l'AFP en Pologne, Jean-Michel Tondre, en témoigne. Le mouvement de grève des ouvriers polonais ne cessait de gagner en ampleur à quelques heures du discours de M. Gierek. Dans la conurbation de Gdańsk, Sopot et Gdynia, 88 établissements industriels sur environ 200 avaient rejoint le comité de grève interentreprise. L'ensemble du secteur de la construction navale était paralysé. Arrêt de travail également, dans la même région, à Malbork et Elbląg. Plus à l'ouest, à Szczecin, autre grand port polonais de la Baltique, et plein sud-est à Tarnów. Tout à l'heure à Varsovie, une intervention de la milice a interrompu une réunion du corps, le principal mouvement dissident en Pologne. Un des participants a été interpellé. La milice, c'est la police du parti, l'arme de répression dans les États communistes. En Pologne, on les appelle les homos, Z-O-M-O-S, un peu comme les Vopos en RDA. Malgré quelques arrestations, pour l'instant, le gouvernement polonais, emmené par Edward Gierek, ne s'est pas engagé dans la voie de la répression, en tout cas pas ouvertement. Non, il cherche plutôt à désamorcer le mouvement, accordant localement quelques satisfactions grévistes. Il s'agit de gagner du temps aussi, classique. On se demande alors si ce délai sera mis à profit pour entreprendre les réformes souhaitées ou pour au contraire étouffer discrètement les espoirs de cet été populaire et politique. Wierzący co wierzą, że muszą być w partii, bo żona, bo dzieci, bo raty, bo maluch. Partyjni co chyłkiem przyjmują komunię, bo bony na cukier, bo bony do raju. Zbudować dziś mają tę drugą, choć pierwsza dla jednych jest gorsza, dla innych jest lepsza. Żeby urosła w siłę i żeby żyli lepiej. Sięgną do rezerw ludzkiego potu w czynie. Jedni łopatą, a drudzy gdzieś w komitecie. ci wszyscy, co mówią, że nic się nie zmieni, bo z jednej jest Rosja, a z drugiej jest Niemiec, bo burdel, bo Żydzi, bo Polak się leni, a kto się wychyla, to zwykły szaleniec. Zbudować dziś mają tę drugą, choć pierwsza dla jednych jest gorsza, dla drugich jest lepsza. A gdy urośnie w siłę, będziemy żyli lepiej. Jedni od drugich, każdy co zechce kupi. Jeden w Peweksie, a drugi gdzieś w GS-ie. En Europe, où l'on suit les événements de cet été polonais avec beaucoup d'attention, la crainte est forte de voir débarquer comme à Prague, 12 ans plus tôt, les chars de l'armée soviétique pour remettre de l'ordre à Varsovie, Gdansk, Tchétchène. Interrogé sur ce point par des journalistes français, un professeur polonais enseignant à Louvain, expert des relations stratégiques, répond. Selon vous, les soviétiques risquent-ils d'intervenir en Pologne ? Pas pour le moment, mais dans le cas que le parti s'effondre, perd le contrôle, les soviétiques seraient obligés, de leur point de vue, d'intervenir. Et dans cette hypothèse, comment réagirait la population ? Oh, ça mènerait certainement à une insurrection nationale. Les chars ne viendront jamais. Trop occupés en Afghanistan ? Peut-être. Le 31 août 1980, après deux semaines de grève totale qui paralyse désormais tout le pays, une délégation du gouvernement présidée par le vice-premier ministre polonais rencontre les délégués des entreprises en grève. La scène racontée par ceux qui l'ont vécue est extraordinaire. Dans la grande salle des conférences, pleine d'apparats des chantiers navals de Gdansk, envahie par plusieurs centaines de délégués d'ouvriers, ils montent sur l'estrade à quelques mètres de la statue en plâtre de Lénine. Assis face à face autour d'une grande table, les représentants des ouvriers grévistes et le gouvernement. À chaque point de la liste des revendications, le vice-premier ministre n'a d'autre mot que « j'accepte, je signe ». Pour la première fois dans l'histoire, un pouvoir communiste plie face à des revendications populaires. L'accord ouvre la voie à la constitution des syndicats indépendants. Le comité de grève interentreprise se transforme en direction provisoire du nouveau syndicat. Lech Wałęsa annonce la nouvelle aux milliers de personnes qui se sont entassées dans le grand hall des chantiers navals, triomphants mais aussi stratèges. C'est à nous de veiller à ce que ces syndicats soient toujours indépendants et toujours autogérés pour les biens de nous tous et pour les biens de la Pologne. Je proclame la grève terminée. Lech Wałęsa le sait, ce n'est que la première étape du bras de fer. Mais les grévistes ont obtenu l'essentiel, des syndicats indépendants et autogérés. Il est maintenant l'heure de se mettre au travail pour les développer. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'épopée de Solidarność. Notre invité, Bernard Guetta, correspondant du journal Le Monde en Pologne au moment des faits en 1980. Un mois après les accords de Gdansk, fort de l'appui qu'il a engrangé pendant les grèves et en accord avec le comité de soutien aux ouvriers, Lech Wałęsa fonde le 22 septembre une union de syndicats polonais à caractère fédératif, indépendante et autogérée. Hier après-midi, à Varsovie, Lech Wałęsa, accompagné des principaux dirigeants du mouvement syndical indépendant, arrive au palais de justice. Spontanément, plus de 3000 personnes sont venues l'acclamer, sont venues voir de leurs propres yeux ce petit homme moustachu, ce simple ouvrier métallo qui a fait trembler le régime polonais. Dans une bousculade joyeuse et désorganisée, Lech Wałęsa est venu déposer la demande d'enregistrement du nouveau syndicat libre qui a pris pour nom le mot d'ordre des grévistes de Gdansk, solidarité. L'idée, encadrée par des intellectuels comme Adam Michnik, mais aussi Tadeusz Mazowiecki ou encore Bronisław Geremek, doit devenir le fer de lance des revendications du peuple polonais. Seul bémol, à vouloir trop rassembler, le mouvement devient très hétérogène entre anticommunistes, populistes, gauchisants et modérés. C'est compliqué. Au cours d'une conférence de presse organisée à la hâte, de nombreux journalistes interrogent le leader de Solidarność sur la capacité du mouvement à survivre à ces différences et sur son réel avenir. Il serait ridicule de parler d'arrêter le mouvement syndical libre. C'est comme si on sifflait contre le vent. Il n'est plus possible de faire marche arrière. Il est possible que nous ne puissions réaliser ce dont nous avons rêvé, mais ce que je sais, c'est que dans 10 ans, la situation ne sera plus comme aujourd'hui. Notre mouvement est si puissant qu'il ne peut permettre que les choses ne bougent pas. Mais tout dépend de l'ensemble du mouvement, pas de moi seul, ni même des dirigeants, mais de tout le monde, de tous les gens. Ils ont tous de l'expérience, ce sont de vrais patriotes, tout dépend d'eux, et ils récolteront ce qu'ils auront semé. Comme on fait son lit, on se couche. Cet élan solidaire et syndical va rassembler à lui seul, dans les mois qui suivent, près de 10 millions d'adhérents, soit, à l'échelle de la Pologne, un habitant sur trois. Alors forcément, à Moscou, on commence à s'inquiéter. Soutenu par l'Église et par le pape qui accueille Lech Walesa comme un héros à Rome en janvier 1981, fort de leur popularité, les dirigeants de Solidarność décident au printemps 81 d'entrer dans une lutte contre le pouvoir lui-même. Les grèves s'enchaînent, mais cette fois, et contrairement à ce qui s'était passé à Gdansk, ni du côté du pouvoir, ni du côté des syndicalistes, on ne veut céder sur quoi que ce soit. Il faut même les talents de médiation de l'Église pour que la grève générale soit évitée de justesse. La situation économique devient catastrophique dans tout le pays. À l'été 81, la tension monte encore d'un cran entre Solidarność et le pouvoir communiste. D'un côté, les syndicalistes appellent les pays frères à créer leur propre syndicat libre et réclament des élections. De l'autre, le gouvernement, dont les rênes ont été confiées au général Jaruzelski, envoie l'armée en exercice commun avec les soviétiques sur la frontière avec la Biélorussie. Le message est clair. En octobre, le général Jaruzelski devient premier secrétaire du Parti communiste polonais. Dans les semaines qui suivent, le destin de la Pologne va basculer. Dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981, coup de théâtre, la radio nationale polonaise diffuse un message en provenance du quartier général des forces interarmées. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do was jako żołnierz. La voix que vous entendez, c'est celle du général Jaruzelski sur Radio Varsovie. Je m'adresse à vous en tant que soldat et premier ministre, dit le général, qui ne mentionne pas sa fonction de dirigeant du Parti communiste. Il annonce que l'état de siège a été proclamé à minuit. C'est la conclusion politique de la prise en main brutale du pays par les militaires. L'homme fort de Varsovie demande qu'aucune goutte de sang ne soit versée et affirme qu'il s'agit d'une affaire strictement intérieure. Peu après, les militaires coiffent tous les rouages de l'administration. L'espace aérien polonais est fermé. Aucun signe de résistance n'est signalé au cours des arrestations et des perquisitions à Gdansk ou à Varsovie. Il faut rappeler que de nombreux hommes politiques, des dissidents et la plupart des dirigeants importants de Solidarité ont été emprisonnés, sauf Lech Walesa. Les autorités lui ont donné le choix entre la prison ou la négociation forcée. Avec le soutien des militaires et sous l'œil attentif de Moscou, le général Jaruzelski siffle la fin de partie. Il décrète la loi martiale. Solidarność est désormais interdit. On compte près de 10 000 arrestations dans tout le pays, parmi les ouvriers, les syndicalistes, mais aussi les intellectuels. Plus tard, Lech Walesa sera lui-même arrêté et détenu pendant plusieurs mois. Emprisonné sans jugement pour certains, interné sans avis médical pour d'autres, le sort des syndicalistes de Solidarność émeut la communauté internationale et le pape, bien sûr. Pendant ce temps, à Varsovie, ceux qui ont échappé aux rafles n'hésitent pas à dénoncer un coup d'état politique qui ne sert que l'intérêt des communistes et qui prive le peuple de ses libertés. Ni la population polonaise, ni les ouvriers polonais ne sont surpris ou choqués par ces procès. Car ces procès sont une suite logique de la proclamation d'état de guerre. L'état de guerre a tout simplement été décrété pour que l'on fasse des procès à certaines personnes, à certains militants, et aussi pour étouffer la société polonaise qui exigeait plus de liberté et de démocratie. Ces procès sont tout simplement considérés comme une démarche normale venant d'un régime que nous, nous estimons illégitime et qui essaye de détruire avec toutes les méthodes possibles ce qu'il y a de plus libre dans ce pays et ceux qui s'opposent à ce régime. En octobre 82, Solidarność est mise hors la loi. Le syndicat n'existe plus que sous la forme d'une cellule clandestine. Quelques semaines plus tard, Lech Wałęsa, libéré, en reprend la direction. La protestation devient plus ponctuelle, plus pacifique. Malgré l'état de siège, puis l'état de crise, le général Jaruzelski, boudé par la population, n'arrive pas à relancer l'économie. Courant 83, le pape Jean-Paul II, en visite en Pologne, réclame le retour aux accords de Gdańsk. Ce à quoi les autorités polonaises l'invitent diplomatiquement à aller rejoindre ses missels en lui adressant ce message « Que l'Église s'occupe de la ferveur de ses paroissiens quand l'État s'occupe, lui, de nourrir son peuple ». Puis viennent quelques signes de détente tout de même, la loi martiale est levée et le 5 octobre 1983, Lech Wałęsa reçoit le prix Nobel de la paix pour l'ensemble de sa lutte. Dans les années qui suivent, et sous la houlette du réformateur de Moscou, Mikhail Gorbatchev, le général Jaruzelski, isolé, s'éloigne progressivement du pouvoir. Une loi d'amnistie des prisonniers politiques est même votée en 1984. Enfin, aux élections législatives de juin 89, Solidarność obtient la quasi-totalité des sièges au Sénat. Tadeusz Mazowiecki, celui qui conseillait Lech Wałęsa à Gdańsk en 1980, devient Premier ministre. Et c'est ainsi que la Pologne quitte le giron soviétique et 40 ans de communisme, tranquillement, par la voie des urnes, signant l'épilogue naturel d'un grand mouvement populaire né 10 ans plus tôt sur les chantiers navals Lénine à Gdańsk. Years after you've gone, I'm feeling fine and I fight to be strong. But when I'm laughing, well, it's not quite the same. Years after the tears, I swore to not let it happen again. The pain is gone, but so is the flame. How will I know? Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, notre invité aujourd'hui pour revenir sur ces événements, c'est donc Bernard Guetta, témoin privilégié de ce soulèvement populaire polonais, puisqu'il a couvert des événements sur place comme correspondant pour le quotidien Le Monde. Bernard Guetta, que vous entendez tous les matins sur France Inter pour la chronique géopolitique à 8h17, un horaire un peu SNCF, mais vous êtes toujours à l'heure, cher Bernard. Absolument, j'essaye. Alors, 24 ans après, quel souvenir gardez-vous de ces événements que vous avez vécu de si près, et aussi à l'écoute de ces archives là que vous avez entendu presque religieusement entre guillemets dans le casque qui ont dû vous renvoyer à cette époque forte, j'imagine. Mais j'en garde le souvenir d'abord et avant tout d'une extraordinaire intelligence collective d'un peuple. La Pologne, en août 80, a su d'instinct à la fois jusqu'où ne pas aller trop loin pour éviter l'automaticité d'une intervention militaire de l'Union soviétique et en même temps jusqu'où aller très très loin pour créer l'irréversible. Et la Pologne a réussi à la fois à éviter l'intervention et à créer l'irréversible, vous l'avez très bien dit. Parce que quand le chantier naval se met en grève, à la mi-août 1980, j'allais dire 14, à la mi-août 1980, mais il n'y a qu'une poignée de journées pour que la Pologne entière soit en grève générale. C'est-à-dire que, en vérité, du jour au lendemain, la Pologne s'est mise en grève générale. Mais quand je dis générale, c'est vraiment général. Jusque dans la plus petite ville, en passant par les mines, la sidérurgie, tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez très très bien relaté, mais revenons-y. À partir de 1956, s'ouvre en Pologne un très long bras de fer qui ne va se terminer qu'en 1989 avec le premier gouvernement démocratique de la Pologne communiste. Elle est toujours communiste à l'époque. Et ce très long bras de fer, c'est quoi ? C'est à chaque fois deux pas en avant de la population, deux pas en avant dans la revendication de la démocratie, des droits, de l'état de droit. Un pas en arrière, parce qu'il y a forcément un recul quand le pouvoir reprend la main, et puis de nouveau deux pas en avant. Donc toujours de la population. Une avance, finalement. Au bout du compte, on avance toujours. Au bout du compte, on avance toujours. Et de 56 à 89, la Pologne n'a jamais cessé d'avancer. Regardez, 1956, le leg de la première étape, du premier round du bras de fer, c'est quoi ? C'est finalement, on redonne un tout petit peu de liberté d'expression, ça va pas durer très longtemps. Mais en revanche, le parti fait de grandes concessions à l'Église catholique en espérant, et pas à tort, arriver à un modus vivendi avec la hiérarchie. On vous laisse les églises, vous nous laissez le pays, vous avez cité la phrase. C'était exactement ça. Mais le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on va fonder l'église, enfin pas l'église, les intellectuels catholiques polonais vont fonder des journaux qui sont censurés comme les autres, mais qui font entendre une musique quand même tout à fait différente de celle de la presse du parti. Ils vont fonder dans les grandes villes des clubs d'intellectuels catholiques. Ah bon, ça mange pas de pain a priori, il y a beaucoup de vieilles dames, il y a beaucoup de vieux messieurs, tout ça est un peu suranné, tout ce que vous voulez, ça sent même parfois la naphtaline. Mais ces clubs d'intellectuels catholiques vont être véritablement le berceau dans lequel vont se développer, ou à la faveur duquel, à l'ombre desquels, vont se développer les premiers cercles de dissidents qui vont avoir une telle importance dans l'histoire de la démocratisation de la Pologne. Alors on est tous imprégnés aussi des images des chars soviétiques à Budapest en 56, à Prague en 68. Les Polonais, j'imagine, encore plus que nous, évidemment. Est-ce qu'ils avaient peur de ça ou est-ce qu'ils étaient portés par un tel enthousiasme ? Non, je vous interromps. Parce que c'était extraordinairement frappant. Moi, le 14 août, je vais au chantier naval, non pas de Gdansk, j'étais à Gdansk évidemment, mais je vais au chantier naval de Gdynia. Et je vois un vieil ouvrier, à quelques dizaines de kilomètres de Gdansk, je vois un vieil ouvrier qui était là devant son usine, ils avaient mis des bancs, des chaises, etc. pour empêcher un éventuel assaut de la police. Alors je discute avec cet homme, qui était beaucoup plus âgé que moi, j'avais même pas 30 ans à l'époque, lui en avait le double. Et au bout d'un moment il me dit « Mais alors vous le français, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je dis « Bah écoutez, ça pourrait devenir dangereux. » Et il me répond « Mais non, ne vous inquiétez pas. » Et ce « ne vous inquiétez pas » était partagé par tous les gens, finalement, qui avaient le sentiment justifié que le rapport de force était à ce moment donné, en août 1980, tellement en faveur de la population polonaise qu'il était inconcevable d'envoyer des armées étrangères envahir le pays parce que ça aurait débouché sur 6 mois au minimum de guerre parce que la plus grande partie de l'armée polonaise elle-même aurait basculé du côté de la population. Or, vous l'avez rappelé aussi, on est 6 mois, 8 mois après l'intervention en Afghanistan. L'URSS ne peut pas se permettre à ce moment-là d'envahir le Pologne, la Pologne, 8 mois après avoir envahi l'Afghanistan. Donc le rapport de force, il est en faveur des grévistes, il est en faveur de la Pologne. Et c'est pour ça que la Pologne, le parti, signe les accords de Gdansk, avec à chaque fois ce rythme. C'était extraordinaire, j'étais dans la salle quel au sens, premier quel rang. Quel sens politique, hein, vous disiez, quel sens politique. Bah oui, c'est du sens politique, dire, ça. Alors, Fabrice, il faut bien dire une chose. Sens politique, intelligent, génie collectif de la nation polonaise. Mais en même temps, assez grande intelligence politique de la part du parti, qui a compris qu'il fallait lâcher du lest pour faire la part du feu. Alors, je me souviens aussi également, le 13 décembre 1982, c'est-à-dire un an après l'instauration de l'état de siège, j'étais aussi en Pologne en reportage, et je me souviens d'avoir assisté à un office religieux à Cracovie, place de Rynek, hein, au centre, à Cracovie, avec les gyrophares des homos tout autour de l'église. Et en sortant de l'église, ils étaient évidemment tous armés jusqu'aux dents, je n'ai pas vu effectivement la peur chez les Polonais, j'ai vu l'enthousiasme qui l'a emporté sur la peur, avec cette phrase du pape en résonance, n'ayez pas peur. On va écouter maintenant ce reportage d'Anaël Verzo, qui a rencontré à Paris un Polonais, Miciek Grudziński. C'était l'un des responsables de Solidarność. À l'époque, il était basé à Varsovie, et il raconte comment il a vécu l'instauration de la loi martiale le 13 décembre 1981. Esplanade des Invalides, immeuble Air France, RERC, pont Alexandre III. C'est là qu'on a rendez-vous avec Jean-Yves Potel, spécialiste de la Pologne, qui a passé beaucoup de temps à Gdansk dans les années 80 et qui a raconté les grèves des chantiers navals dans un livre qui s'appelle « Scènes de grève en Pologne ». Dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981, Jean-Yves Potel n'était pas en Pologne, mais à Paris, dans une manifestation, une grande manifestation, qui a eu lieu ici même, sur la place des Invalides, en soutien aux militants de Solidarność. Pendant ce temps-là, Miciek Grudziński était, lui, à Varsovie, en Pologne. Miciek fut l'un des responsables des bureaux de Solidarność à Varsovie et dans la banlieue de Varsovie. Et dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981, Miciek se faisait arrêter à Varsovie. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Miciek, vous êtes bien équipé. Oui, merci. J'ai l'expérience de mauvais temps, quoique c'était plutôt la neige que la pluie, mais bon... Vous avez là, on est juste devant l'ambassade de Pologne, place des Invalides, et le 13 décembre au matin... Le 13 décembre 1981. Au matin, on ne pouvait pas aller dans cette petite rue parce qu'elle était bloquée par la police. On était une centaine, après ces 200 personnes, pour protester contre le coup de force de Jaruzelski, général Jaruzelski, qui avait instauré la loi martiale dans la nuit. Et vous faisiez partie du comité de soutien? Oui, je fais partie du comité de soutien Solidarność, ça s'appelait comme ça, et ça a été un grand moment de soutien. Miciek, oui. Et vous étiez pendant ce temps-là à Varsovie et vous étiez membre du syndicat Solidarność. Oui, j'étais permanent de Solidarność. Pendant la nuit de 12 à 13 décembre, j'étais arrêté chez moi, à la maison, et puis interné. Parce que j'étais activiste de syndicat et puis de l'autre côté, j'étais activiste de l'opposition politique. L'état de guerre a été instauré, ils ont coupé toutes les sources d'informations. Il n'y avait pas de radio, pas de télé, pas de téléphone, pas de marché. On ne pouvait pas s'informer. Vous avez été arrêté ? Oui. Donc ça a été... on nous a emmenés en voiture dans le centre. Et puis après l'enregistrement, on était envoyés dans le bus à Białołęka. À l'époque, c'était une banlieue. Aujourd'hui, c'est un quartier de Varsovie où il y avait une prison. On était dispersés dans les cellules classiques. Et là, vous êtes resté 5 mois. Oui, je suis resté 5 mois. Avec tous les autres détenus politiques, syndicaux? Dans un premier temps, on était tous ensemble. Par exemple, je me rappelle très bien, parce que c'était le 13 décembre, donc 10 jours après, c'était le Noël. Et le Noël, on a passé tous ensemble Les cellules ont été ouvertes, et on pouvait discuter, on pouvait se voir. Pour moi, c'était le meilleur Noël que j'ai passé dans ma vie. Ah bon ? Bah oui, parce que j'étais avec mes amis, avec mes potes. C'était très bien. Finalement, les camps, c'était pas mal, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'était pas le... On ne peut pas le comparer ce camp-là, parce que c'est un camp, en fait, où il y avait des gens plutôt connus. Donc, ce camp-là, il n'était pas très dur. Bien sûr, on était privés de liberté, mais on n'était pas persécutés. Mais il y en avait d'autres camps d'internement où les gens internés ont subi des exactions de leurs surveillants. Mais moi, je n'ai pas vécu ça. Votre famille venait vous voir ? Oui, c'est-à-dire une partie de ma famille déjà est partie juste avant. Ma femme avec des enfants est partie en vacances juste une dizaine de jours avant l'état de guerre. Mais j'ai eu toujours ma sœur et mon père. Eux, ils sont venus me voir, effectivement. Eux-mêmes étaient des militants aussi ? Non, j'étais seul militant. Mon père, il était militant, mais à l'époque, des partis communistes polonais, mais c'était dans les années 40 et 50. Mais à l'époque de Solidarność, il n'était pas toujours d'accord avec ce que je faisais. J'ai eu des discussions assez poussées avec lui. Il pensait que, en fait, toute notre activité contre le gouvernement, contre le parti communiste, est sans issue parce que, de toute façon, ils vont gagner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont derrière un grand frère soviétique. Mais après quelques mois, et surtout quand il m'a visité en prison, il a changé la vie. Ah. Ouais. Qu'est-ce que vous faites maintenant, Mietek ? Vous vivez en France ? Oui. Depuis longtemps ? Depuis 32 ans, à peu près. J'étais parrainé par le syndicat. Et puis j'ai obtenu très rapidement le droit de travail, donc ça m'a permis de se faire embaucher chez Renault, parce que j'ai travaillé pendant 25 ans chez Renault Automobile. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, et maintenant il jouit d'une retraite bien méritée. Vous. En effet. Bon, le 13 décembre 1981, notre souvenir à nous Français, c'est le souvenir d'images terribles, hein, parce que tout y est, les chars, le général Jaruzelski avec ses lunettes noires. Qu'est-ce que c'est le 13 décembre 1981 ? C'est la nuit qui tombe sur la Pologne, mais pas pour si longtemps, finalement. Ben, pas au moment où ils le vivent, hein. Bien quand sûr, même pour quelques années. Respect pour ceux qui l'ont quand vécu. Quand même pour quelques années. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nuit ? C'est une chose, j'étais à Gdansk, encore, toujours, et vers minuit, pardonnez-moi, je remarque que toutes les prostituées de l'hôtel, soudain, disparaissent. Or ça, c'était absolument anormal. Parce que il y avait payé par les RG locaux, quoi, par la police politique, énormément de prostituées dans tous les hôtels, particulièrement les hôtels fréquentés par les journalistes occidentaux, qu'on espérait pouvoir faire chanter de cette manière. Et brusquement, toutes ces dames disparaissent. Je me dis que là, il y avait quelque chose qui collait pas. Et 10 minutes après, un de mes amis, journaliste polonais avec lequel je travaillais, arrive tout pâle et me dit « Bernard, viens vite à Sopot. Qu'est-ce qui se passe ? Viens vite !» On monte dans la voiture et on arrive devant le grand hôtel de Sopot. Spectacle absolument hallucinant. Je vous garantis pas de ne pas avoir les larmes aux yeux en vous le racontant. Il y avait un véritable mur de chars, de voitures de police, de cordons de flics, etc. Et au loin, on apercevait tout l'état-major du syndicat logé au grand hôtel de Sopot, et au loin, dans la nuit, il était donc minuit et demi, 1h moins le quart, et ben, tous mes amis sortir et se faire assez joliment tabasser. Enfin, les pluies de coups de bâton, quoi. Et embarquer. Et alors, on regardait ça, on pleurait. Et puis, brusquement, les flics nous ont repérés, ont commencé à taper sur la voiture, nous ont obligés à faire demi-tour. Moi, je disais à mon copain Vitek qui était au volant, ne bouge pas. Et puis, il y a eu un moment où il a fallu bouger parce qu'il sortait les armes. Et alors, on a fait demi-tour, et à ce moment-là, ben, j'ai réalisé que Bronislav Geremek était probablement le seul des syndicalistes à ne pas être dans cet hôtel. Je savais, donc, on a foncé, je tambourine à sa porte, il ouvre, il me regarde, enfin, Bernard, qu'est-ce qui vous arrive ? Je lui dis, Bronek, l'arrestation, etc. Il me regarde toujours très calme et il me dit « Mais qui vous dit ça ?» Et je lui dis « Mais Bronek, personne ne me le dit, je viens de le voir. Rasez-vous la barbe, papapam, je vous emmène dans un monastère, etc. etc. » Non. Il a pris la route pour Varsovie, il s'est fait arrêter immédiatement, évidemment. Il a fait il a passé longtemps en détention. Mais pendant ce temps-là, véritablement, la nuit est tombée sur la Pologne. Pourquoi ? Toutes les communications téléphoniques ont été coupées. Vous savez, on ne se rend pas compte de ce que c'est aujourd'hui qu'un pays sans aucune communication téléphonique. C'est-à-dire, on décroche, il n'y a plus rien, il faut aller, comme dans les siècles passés. Terrible. Terrible. Évidemment, tous les ports, les aéroports, les gares étaient fermés. La Pologne était coupée du monde et chaque Polonais était coupé des autres Polonais. Alors, je suis allé me réfugier au chantier parce que les journalistes avaient reçu l'ordre de revenir sur Varsovie. Je ne voulais pas le faire. Je suis donc allé me planquer au chantier. J'y ai retrouvé beaucoup d'ouvriers de solidarité qui étaient là, que je connaissais depuis 2 ans, et ou en tout cas 1 an et demi. Et on a beaucoup pleuré. Et puis, on écoutait les radios occidentales. Juste un mot pour vous dire une chose. Et soudain, on a entendu que spontanément, une manifestation s'était rassemblée, c'est ridicule, devant l'ambassade de Pologne. Et vous pouvez pas vous imaginer ce que c'était que d'entendre dans les grésillements des radios occidentales qu'on n'était pas oublié. Et depuis, à chaque fois qu'il y a une tragédie de ce genre, je me dis, même si on est 20, il faut descendre dans la rue, parce que, au moins, ces malheureux vont entendre là-bas, très loin, qu'ils ne sont pas oubliés. Je comprends parfaitement votre émotion, Bernard, pour être allé moi-même en Pologne en 1982, donc 1 an après ces événements. Non, ces il faut événements, que vous compreniez que tous ces gens étaient mes amis, très proches, en plus, et le sont restés. En plus, et même, quand, même quand les Polonais dans leur lutte n'étaient pas nos amis, on était touchés, forcément. Et en 1980, on écoutait, entre autres, Bill Withers, Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Sensible, solide Arnoche, aujourd'hui avec notre invité Bernard Guetta. Alors, le général Jaruzelski, au tribunal de l'histoire, je ne dis pas qu'il pourrait être relaxé, mais peut-être aurait-il quelques circonstances, non pas atténuantes, mais circonstances politiques, qui montreraient que finalement, est-ce qu'il n'a pas protégé les Polonais d'une intervention soviétique, au bout du compte? C'est un débat qui n'en finira jamais. C'est un débat qui n'en finira jamais et qui est impossible. Parce que on peut plaider cela. Tout à fait, on peut le plaider. Je ne suis pas loin de le plaider, mais en même temps, je suis très très proche de plaider le contraire. Parce que s'il n'avait pas organisé le coup d'État, est-ce que réellement l'Union soviétique avait les moyens d'intervenir? Moi, je n'en suis pas certain. Mais pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, l'embourbement en Afghanistan... Je n'en suis pas certain, d'autant qu'entre-temps, Reagan avait été élu aux États-Unis, que le ton de la diplomatie américaine s'était considérablement durci contre l'Union soviétique. Alors, évidemment, tout ça repose sur un pari rétrospectif. Alors, on ne peut pas trancher. Mais, si vous voulez, si le général Jaruzelski s'est trouvé dans la situation de devoir organiser ce coup d'État, je dirais tout simplement à qui la faute. Personne ne l'avait jamais obligé. Un, à adhérer au Parti communiste polonais. Deux, à entrer au bureau politique. Bien sûr. Trois, à devenir ministre de la Défense et à faire tirer sur les manifestants sur la côte baltique en 1970. Et personne ne l'avait obligé à devenir le patron du Parti communiste polonais. C'est clair. Alors on en arrive au processus politique, à la fameuse table ronde. Alors il faut rappeler quand même que le multipartisme, la liberté politique est créée en Pologne, alors même que le mur n'est pas encore tombé. Bien sûr, six mois avant à peu près. Donc on est quand même dans une Europe communiste, mais on est dans une Europe sous Gorbatchev. On est sous Gorbatchev. C'est en février la table ronde, donc on est à 9 mois. Donc c'est beaucoup plus. Mais on est sous Mikhail Gorbatchev. Moi j'ai toujours tendance à penser que tout ce qui s'est passé dans les dernières années du bloc communiste, sans Mikhaïl Gorbatchev, rien de cela ne se serait passé. En tout cas, ce ne se serait pas passé dans ces conditions et si vite. Et à ce moment-là, exactement. Bien sûr que non. Là, c'est pareil, c'est la même. Évidemment. Écoutez, quelques mois avant cela, quelques mois avant la table ronde, je vais au comité central soviétique, puisqu'entre-temps, j'étais devenu correspondant à Moscou, toujours pour Le Monde. Et je vais les interroger sur la Pologne, parce que ça montait. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et sachant très bien que j'allais l'écrire dans Le Monde, et sachant très bien que ce que j'allais écrire dans Le Monde serait très très lu en Pologne, ils me disent que les affaires des Polonais sont les affaires des Polonais. Ça voulait dire « nous n'interviendrons pas ». Et donc le feu vert a été donné, pas publiquement j'entends, parce que autrement officieusement bien avant, mais publiquement le feu vert est donné par le truchement du Monde et de cette interview que je recueille. Je peux vous dire que ça a été reçu 5 sur 5 à Varsovie, et pas seulement dans les milieux de l'opposition, que j'ai reçu immédiatement beaucoup de coups de fil à mon bureau à Moscou. Mais comment? Mais qui tu as vu? Ben ça, je peux pas te le dire. Enfin, oui, mais oui, très haut placé au comité central, etc. Mais tu as bien compris? Ben je suis pas idiot, oui, j'ai bien compris. Le message était parfaitement clair. Et le message, ben oui, ça a été effectivement. Mais vous savez... Quand Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985, l'une des premières choses qu'il fait, c'est de dire à tous les dirigeants du bloc, sans exception, ne comptez plus sur notre soutien, débrouillez-vous. Et on l'a vu après, avec les mouvements en Allemagne de l'Est en octobre 89, en Hongrie au mois d'août, quand tout le monde passe le rideau. Et surtout à Berlin-Est. Et surtout à Berlin-Est, où les manifestants ont défilé au cri de Gorbi, Gorbi. Merci Bernard Guetta, merci infiniment. Merci à vous. Rendez-vous demain sur cette antenne à 8h17, comme d'habitude. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui Solidarność, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.